Plus de 250 000 personnes de plus de 2 270 unités d'activité, y compris les militaires, les travailleurs de divers paliers, les jeunes et enfants, ont visité le haut lieu révolutionnaire de Pyeongchang pendant un an après son réaménagement. C'est là où le président Kim Il-sung a livré, le 12 décembre de l'an 37 du 2e 1948, les essais de tir des premières mitraillettes fabriquées par les ouvriers coréens. Ce lieu est empreint des exploits immortels des grands hommes Paek Do-san qui ont jeté les assises éternelles de l'industrie de défense nationale indépendante.